Alors maintenant, on va vous faire une chanson que c'est une reprise d'un gars que je connais, que lui il est dans le nord, alors que nous on est dans le sud. L'amour est aveugle et sa canne est rose, et l'amour me rend morose. Grande solitude quand tu te dénudes, voir un peu de haine quand tu me dis que tu m'aimes. Je sais, le bonheur n'existe pas. Je sais, le bonheur n'est pas pour moi. Et tu ris, et moi je souris, même si je t'en veux, chérie. Et je pleure, pleure, et je ne veux plus flirter avec tout ce bonheur. Je sais, le bonheur n'existe pas. Je sais, le bonheur n'est pas pour moi. Pardon, j'ai tapé le micro. Si tu veux, nous partirons sur une autre planète où nous serons toujours seuls et où je pourrai découvrir toutes les facettes de ta personnalité. Et quand la pluie tombera, que le ciel se couvrira et que le brouillard se dispersera, les vives couleurs m'éclaireront de toute leur beauté. Il est beau le solo, il est beau. Je sais, le bonheur n'existe pas. Je sais, le bonheur.